En la M, canciones prohibidas durante la dictadura militar. 25 artistas cantan 16 canciones prohibidas. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones. Una realización del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Yo te amo, yo tampoco, de Serge Gainsbourg. Figura como Yo te amo, yo tampoco en documento del Confer, fecha de prohibición. 5 de febrero de 1970, por Alejandro Tantanián y Diego Velázquez. Alejandro Tantanián, voz. Diego Velázquez, voz. Sebastián Espósito, guitarras. Ezequiel Díaz, batería. Federico Boaglio, bajo. Emanuel Pineda, pianos y teclados. Lucas Salazar, percusión. Sí. ¿Sabes qué? Decímelo en francés. Dale, dale. Decímelo en francés. Je t'aime. Oh, Dios. Je t'aime. Oh, oh, oui. Je t'aime. Moi, non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je viens entre tes rangs. Je viens entre tes rangs et je me retiens. Oh, oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, oui, je t'aime. Non. Yo tampoco. Oh, mon amour. Et tu es la verre. Moi, l'île. C'est mis la veste. Et tu vas-tu bien entre mes rangs. Et tu vas-tu entre mes rangs et je te rejoins. Oh, oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, si, si. Oh, oh, oui, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ah, mon amour. Comme la vague, ah. Comme la vague irrésolue. Je viens à votre rang. Je baisse, je viens à votre rang. Et je te réjouis. Ay, Dios. Ay, Dios. Dich mein Liebster, carino mio, io ti amo, io ci amo, I love you. Che? Vos vas, vos vas y venis dentro de si venís dentro de mí, je te rejoins. Ah, je t'aime. Ya, ya estás. Je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, oh, si, oh, mon amour. Si, ah. Si, si, ah. Si, ah. Si, ah. Si, ah. Si, si. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,